du jazz, présenté par Denis Desassi. Bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire rebonjour, puisque me voici de retour au micro de Radio Déclic, non plus pour vous proposer un rendez-vous régulier dans le cadre du Jazz Time de mon ami Gérard, qui a décidé de tirer sa révérence et que je salue en toute amitié, mais je vous retrouve cette fois aux commandes d'une nouvelle émission sur un rythme mensuel pour commencer, qui s'intitule tout simplement l'heure du jazz. Alors, l'heure du jazz, c'est aussi un clin d'œil, car vous avez compris que l'heure est une unité de mesure du temps qui passe, le temps time en anglais, voilà. Alors, l'heure du jazz, avec son générique Champagne, signé par le quartet du contrebassiste Théo Girard, extrait de son album Bulle. L'heure du jazz avec des nouveautés, j'allais même dire comme d'habitude, même si je n'ai pas ici des habitudes. Et puis également des retours en arrière, des évocations et au fil du temps des rencontres avec des musiciens ou des musiciennes. Alors tout ceci étant comme une matière première qu'il faudra modeler de mois en mois, à suivre donc. Mais surtout, il y aura ce fil rouge qui, je l'espère, sera aussi le vôtre, la passion pour cette belle musique qu'on appelle jazz et dont je m'efforcerai de vous faire connaître les couleurs multiples. Et nous allons inaugurer ce premier numéro de l'heure du jazz avec un EP, c'est-à-dire un CD de format court, signé par un batteur-compositeur que j'ai découvert à cette occasion. Ce n'est pourtant pas son coup d'essai, puisque Xavier Roumaniac, musicien du sud de la France installé à Paris, avait déjà publié avec son Eclectic Band un premier EP en 2014, intitulé Native, qui lui avait valu de remporter l'année suivante le prix de composition des Trophées du Sunset, puis en 2017, un album complet intitulé Sirène. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout connaître et c'est grâce à la publication de 78 tours, c'est le titre un peu suranné de ce disque, que j'ai pu faire la connaissance de celui qui a eu l'occasion de travailler avec des musiciens comme Samy Thiebaud, Jean-Philippe Scali, Lisa Calbero, Arnaud Dolmen ou Julien Alour. Ce dernier étant d'ailleurs à l'affiche de ce nouveau disque. Tous étant des musiciens que nous connaissons bien du côté de l'heure du jazz. Alors, à l'origine, l'Eclectic Band était un quintet, mais pour ses 78 tours, il se voit renforcé par une section trompette, flûte, saxophone, soit, si vous avez bien compté, un ensemble de 8 musiciens. C'est presque un grand orchestre. Alors, je trouve que le résultat est... Moi, c'est idéal pour entamer cette heure de musique avec chez Xavier Roumaniac, qui a composé les 5 titres de son mini-CD, un vrai désir de mélodie et surtout de mariage d'influence, alors aux confins du jazz, du rock, de la fusion et des musiques métissées en provenance d'un peu partout dans le monde. Alors vous pourrez par exemple apprécier la guitare de Johan Kempst ou les synthétiseurs de Kan Ming Pham et bien sûr la batterie du leader avec toute sa force d'entraînement. Difficile de résister en effet aux élans d'un Eclectic Band qui est assez joyeux. Alors, quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année qui, dans bien d'autres domaines, il faut le dire, n'est pas toujours placée sous le signe du sourire. On écoute l'Eclectic Band de Xavier Roumaniac avec une composition qui s'intitule « Duetto ». Thank you. Robbie Marshall au saxophone ténor, Johan Kemst à la guitare, Kang Min Pham au synthétiseur, Guillaume Marin à la basse, Sue McCarthy à la flûte, Julien Allour à la trompette, William Ountuanji au saxophone alto, c'était Duetto, extrait de 78 tours, un disque publié par l'Eclectic Band du batteur-compositeur Xavier Roumaniac sur le label Jazz Family, paru à la fin du mois de novembre. Voilà, c'est fin novembre. Passons maintenant à un autre ensemble, lui-même haut en couleur. Alors, je trouve qu'on commence bien cette nouvelle émission, cette nouvelle année, avec une formation qui connaît depuis sa création une série de déclinaisons, par exemple sous la forme d'un quartet ou d'un orphéon. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'idée qui sous-tend la création du griot, à savoir le Grand Imperial Orchestra. Alors, je cite, « Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. » Quel programme ! Alors, au départ, en effet, il y a l'Imperial Quartet, fondé par les saxophonistes Damien Sabatier et Gérald Chevillon, le contrebassiste Joachim Florent et le batteur Antonin Lemary. Mais il faut savoir que ce quatuor est le centre nerveux de la compagnie impériale sur le label de laquelle sortira la semaine prochaine « Music is our mistress », album d'une formation qui est cette fois élargi à quatre autres musiciens amis qui ont souvent croisé la route de la compagnie impériale, les trompettistes Émeric Avis et Frédéric Roudet, le tromboniste Simon Girard et le pianiste Aki Rissanen. Alors avec un tel titre, Music is our mistress, on pense évidemment à Duke Ellington et son autobiographie Music is my mistress, mais je m'en tiendrai là pour les comparaisons. Même s'il y a dans la musique d'aventure quelque chose qui n'est pas sans rappeler l'esprit du Liberation Music Orchestra de Charlie Haddon et Carl Abley. D'ailleurs, Gérald Chevillon et Damien Sabatier expliquent le point de départ du griot. Je les cite. « C'est dans un voyage tous ensemble que cette idée est née. On entendait le son des cuivres se mêler à nous. » Alors, à cette époque, les musiciens se passionnaient pour les Banda Linda d'Afrique centrale. Je continue à les citer. « Ils jouent en général, les trompes par groupe de 5, chaque trompe joue une note et c'est l'imbrication de ce hoquet instrumental qui génère la polyphonie. Chez eux, chaque morceau a une fonction sociale qui accompagne toutes les époques de la vie, de la naissance à la mort. » Voilà, fin de la citation. Et ce sont sans doute ces effets de superposition et de décalage rythmique qui expliquent une autre influence qu'on peut déceler sur une composition du disque, l'influence du compositeur américain minimaliste Steve Reich. L'Afrique, donc, au cœur de la musique du Grand Imperial Orchestra, et au bout du compte, un disque réjouissant qui déborde de vie. Alors, attention, ça va bien souffler, deux saxophones, deux trompettes, un trombone et une section rythmique, c'est le griot, avec une composition de Joachim Florent, Linda Linda, qui fait justement référence à ces Banda Linda d'Afrique centrale, dont l'influence est, vous l'avez compris, très présente sur ce disque. On écoute le Grand Imperial Orchestra. Thank you. C'était le Griot, le Grand Impérial Orchestra et son nouveau disque Music is our Mistress qui paraîtra la semaine prochaine sur le label Compagnie Impériale. C'est vraiment un disque que je vous recommande. Ah, alors voici maintenant un grand monsieur dont j'apprécie le travail et l'enthousiasme depuis très longtemps et qui sera à l'affiche du Sunside à Paris du mois de janvier au mois de juin. Histoire de célébrer, comme il se doit, les 25 ans de cette salle de la rue des Lombards, le pianiste Pierre de Bettmann, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va s'y produire à 6 reprises en 6 formules différentes du duo au quintet. Et si j'évoque ici Pierre de Bettmann, c'est tout simplement parce que son trio publiera le mois prochain, le 20 février plus précisément, c'est vraiment une avant-première pour l'heure du jazz, le troisième volume de ses essais. Alors il faut souligner que le pianiste a formé une cellule musicale très fusionnelle avec le contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Tony Rabesson. Alors, c'est-à-dire la charnière rythmique du quintet des frères Belmondo vu récemment à Nancy Jazz Pulsation. Et je profite de ce rappel pour avoir une pensée émue pour Lionel et Stéphane Belmondo qui viennent de perdre leur papa, Yvan, lui-même saxophoniste et sans doute à l'origine de la vocation de ses deux fils. Ils avaient même formé un sextet qui s'était produit voici quelques années au Manu Jazz Club de Nancy. Je pense qu'on aura l'occasion d'écouter bientôt cette formation dans l'heure du jazz pour un petit hommage à Yvan Belmondo. Alors, fin de cette parenthèse et retour aux essais de Pierre de Bettmann dont l'idée sous-jacente repose sur une exploration de la musique à travers les siècles jusqu'à ses formes actuelles, chansons françaises incluses. Alors cette fois, on a le plaisir de passer de Robert Schumann à Stevie Wonder en passant par Cole Porter, John Scofield ou Georges Brassens. Le trio de Pierre de Bettmann célèbre de cette façon en quelque sorte notre mémoire collective sans a priori stylistique ni de genre. Et comme à chaque fois, c'est un sans faute. Les trois musiciens amis semblent en état de grâce, bien impliqués dans ce projet, à même, je le précise, de concilier bien des publics. Et nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter d'une telle somme de talents. Alors pour ne rien vous cacher, ce disque publié sur le label de Pierre de Bettmann, Aléa, fait partie de mes coups de cœur du moment et je peux vous garantir qu'il va beaucoup tourner sur la platine dans les semaines à venir. Alors il faut aussi savoir qu'il a été enregistré en 3 jours au studio Recall de Pompignan dans le département du Gard et que le travail du trio a été si prolifique que le volume 4 apparaître à l'automne prochain et d'ores et déjà dans la boîte, comme on dit. Ben, voilà une très très très bonne nouvelle. J'ai cité Georges Brassens il y a quelques instants. Et ben voici l'une de ses chansons, La canne de Jeanne, revisitée par le trio de Pierre de Bettmann à l'occasion du volume 3 de ses essais. Thank you. Alors avec le Blue Train de John Coltrane que vous entendez derrière, là, c'est un nouveau rendez-vous que je vous proposerai désormais chaque mois et avec lequel nous ferons un petit retour en arrière sur un disque plus ou moins ancien. Le principe est simple, toujours le même, partager avec vous un coup de cœur et vous donner à écouter une musique qui traverse le temps sans prendre une seule ride. Et pour cette première de l'heure du jazz, mon choix s'est porté sur un groupe qu'on rangerait plutôt dans la catégorie du rock, voire de la pop musique, mais qui était dès le départ très imprégné de jazz, du fait en particulier d'une remarquable section de cuivre. Ce groupe, c'est Chicago, qui existe toujours et qui vient de publier son 37e album, tout simplement intitulé 37, qui s'écrit en chiffres romains. Mais pour ce qui nous concerne, on va remonter le cours du temps et nous arrêter en 1974, quand Chicago, qui était né en 1967 sous le nom de Chicago Transit Authority, publié son 7e album, dont le titre était tout aussi simple, 7, toujours en chiffres romains. Alors pourquoi un tel choix de ma part ? Eh bien, pour deux raisons principales. D'abord parce que certains membres du groupe, à cette époque, souhaitaient orienter leur musique vers plus de jazz, ce qui a provoqué des dissensions entre les musiciens, puisque certains préféraient rester dans l'esthétique plus pop-rock qui faisait leur succès depuis plusieurs années. Mais finalement, le choix a été fait d'accorder sur un même disque une place à ces deux grands axes, aboutissant à un double album, le premier des deux disques étant instrumental et clairement sous l'influence du jazz, tandis que le second s'inscrivait plus dans la lignée des précédents. Deuxième raison de mon choix, la présence au sein de Chicago du guitariste Terry Kath, qui allait disparaître quelques années plus tard dans des conditions tout aussi stupides que tragiques. Terry Kath, sans doute l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock, mais aussi du jazz. Et ce que vous allez découvrir ou redécouvrir va vous le prouver de façon magistrale. C'est pourquoi nous allons écouter un extrait de Seven intitulé Air, A-I-R-E, qui met en évidence le talent incroyable de celui qui revendiquait par ailleurs l'héritage de Jimi Hendrix. Mais ici, son style est très différent de celui du gaucher de Seattle. Terry Kath va nous gratifier d'un assez long solo d'une fluidité mais exceptionnelle, qui est un modèle du genre. La musique semblait couler de ses doigts, Terry Kath possédant cette faculté assez rare de savoir raconter une histoire en musique. Son chorus a un début, un milieu, une fin, c'est une vraie histoire. Nous remontons donc le temps, nous sommes en 1974. Chicago s'offre une parenthèse jazz unique dans sa longue discographie et va tutoyer les sommets sous les magnifiques arrangements de cuivre signés du tromboniste James Penko. En route ! We'll be right back. Le groupe Chicago en 1974 avec son double album numéro 7 et un rendez-vous assez inédit chez lui avec une musique très marquée par le jazz instrumental, ici illuminée par la guitare du regretté Terry Kath. Donc c'était notre nouvelle rubrique qu'on pourrait appeler, je ne sais pas... Rétrovision ou jazz de cœur, enfin comme vous voulez. On est bien sur Déclic, non ? C'est toujours l'heure du jazz, votre rendez-vous mensuel du jazz, Denis Desassis en votre compagnie et en compagnie de cette si belle musique qu'on nomme jazz. Alors retour au présent maintenant avec le premier disque d'un très jeune musicien puisque Noé Huchard n'a que 20 ans. Ce pianiste, fils du batteur Stéphane Huchard, a, comme vous pouvez vous en douter un peu, baigné depuis toujours dans un environnement musical. Il a commencé en effet l'apprentissage de la musique à l'âge de 3 ans, avec ses premières leçons de piano classique, une voie qu'il suivra pendant plus de 10 ans, avant de commencer à s'intéresser au jazz au moment de son adolescence. Adolescence finalement dont il sort tout juste. La musique classique, dont l'influence reste déterminante dans les compositions de Sang Four, un disque enregistré en trio avec deux autres jeunes musiciens rencontrés au conservatoire de Paris et qui sont devenus ses amis. Il y a Clément Daldosso à la contrebasse et Élie Martin Charrière à la batterie. Ce dernier... Peut-être, vous en souvenez-vous, fait partie du Quartet Unknown de Pierrick Pédron, ainsi que du trio du contrebassiste Thomas Bramery. Et puisqu'on parle de Pierrick Pédron, qui est un ami que je salue, je sais qu'il est actuellement à New York en train d'enregistrer un nouveau disque avec des musiciens américains et la supervision de Daniel Ivinec. Donc je... Pierrick, je te souhaite bonne chance. Voilà, alors, au sujet de Noé Huchard, une petite précision. Le directeur artistique de Sang Four, qui fut par ailleurs l'un des professeurs de piano de Noé Huchard au CNSM, n'est autre que Pierre de Bettmann, que nous avons écouté tout à l'heure avant Chicago. Finalement, la musique est un village. Et puisqu'on parle de village... Il faut évoquer celui de Meursault, en Bourgogne, là où chaque année deux prix sont décernés par le fonds de dotation de Monique et André Boisseau. Il y a un prix du vin attribué à un jeune chercheur dans le domaine du vin et de la viticulture, et un prix de la musique attribué en juillet de chaque année, lors du festival de Bach à Bacchus. Joli nom. Et c'est grâce à ce prix et cette fondation que Noé Huchard a pu enregistrer son premier album au studio Sextant, un disque qui sort la semaine prochaine chez Soupir Musique. On y trouve surtout des compositions signées Noé Huchard, auxquelles s'ajoutent néanmoins quelques reprises, des standards, comme par exemple Embraceable You des frères Gershwin. Alors, de jeunes musiciens... et une maîtrise assez bluffante de leur langage entre jazz et influence classique qui reste très présente. Le trio fait montre d'un bel équilibre de ses forces et on ressent toute la complicité entre les trois musiciens qui ont fait le choix d'enregistrer dans une même pièce sans casque. Bref, c'est le studio mais dans l'esprit du live. Une belle réussite donc que je vous propose de découvrir avec une composition de Noé Huchard qui s'intitule « You should feel it now ». Alors ça signifie grosso modo « vous devriez le ressentir maintenant ». Et personnellement, je suis certain que vous allez ressentir beaucoup de plaisir à l'écoute de cette musique, le trio de Noé Huchard. Thank you. Voilà, c'était le jeune et talentueux Noé Huchard et son trio avec You Should Feel It Now, extrait de l'album Song 4 qui sortira la semaine prochaine sur le label Soupir Music. Alors maintenant, si je vous dis harmonica ou même harmoniciste, je suis certain que nombreux parmi vous vont me répondre Toots Thielemans, du nom de ce grand musicien belge qui nous a quitté en août 2016, à l'âge de 94 ans, et qui était et restera d'ailleurs l'une des figures marquantes de l'histoire du jazz en général et de l'harmonica en particulier. Mais aujourd'hui, je serais bien tenté de vous souffler un autre nom, celui d'Olivier Kerr-Ouriot, qui, malgré un patronyme aux consonances bretonnes, a passé toute son enfance sur l'île de la Réunion, où ses ancêtres, bretons bien sûr, s'étaient établis au XVIIIe siècle. Et c'est au cours de son enfance qu'il s'est pris de passion pour cet instrument, pas comme les autres, qui compte finalement assez peu de praticiens de renom, l'harmonica. Alors, Olivier Kerr-Ouriot, c'est un compositeur et un leader. Il a eu l'occasion de travailler avec un très grand nombre de musiciens de premier plan comme Marcel Azola, Didier Lockwood, Michel Petrucciani, et il compte à son actif 11 albums. Cette fois avec Singular Insularity, l'insularité singulière, il poursuit son travail consistant à marier le jazz avec ses racines créoles, qu'il fait dialoguer d'ailleurs avec beaucoup de passion et de lumière. Et un peu à la façon d'un peintre qui voudrait enrichir la palette des couleurs qu'il veut créer pour élaborer sa toile, Olivier Kerr-Ouriot s'est entouré alors, de musiciens réunionnais comme lui, le chanteur Bastien Picot ou le flûtiste Christophe Zogonès, mais il est aussi allé voir ailleurs, souvent du côté des îles, pour s'assurer le concours du Martiniquais Grégory Priva au piano, du Guadeloupéen Arnaud Dolmen à la batterie, du Cubain Inor Sotolongo aux percussions et du Mauricien Gino Chantoiseau à la basse. Et j'aime beaucoup le terme de « fruit de la passion musicale » qui est employé dans le dossier de presse de Singular Insularity au sujet de cet album qui regroupe 10 compositions originales d'Olivier Kerr-Ouriot qui se présentent un peu à la manière de chronique. Elles évoquent l'enfance, les oiseaux, l'histoire de personnalités réunionnaises liées à la musique. Il y a même un clin d'œil à Jean-Marie Gustave Le Clézio, écrivain d'origine mauricienne et ci-devant au prix Nobel, puisque Olivier Kerr-Ouriot nous invite à bord du Zeta, le bateau du roman de Le Clézio, Le Chercheur d'or. Un fruit de la passion musicale, c'est exactement ça, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec la composition titre du disque Singular Insularity. On écoute Olivier Kerr-Ouriot. Thank you. Et voilà, c'était l'insularité singulière de l'harmoniciste Olivier Kerr-Ouriou, dont le nouveau disque Singular Insularity sortira le 31 janvier chez Banzai Music. Alors il nous reste peu de temps, mais suffisamment pour évoquer Atea, un mot qui signifie une porte en langue basque, et qui est le titre d'un disque qui sortira lui aussi le 31 janvier sur le label Algon Arte. Ce disque est signé par le trio de l'accordéoniste Didier Tursari, aux côtés duquel on note la présence de deux formidables musiciens, le flûtiste Jos Mieniel et le guitariste Pierre Durand, qui ont en commun, entre autres, outre leur grand talent, d'avoir été membre de l'ONG sous la direction de Daniel Ivenek il y a une dizaine d'années. Tout comme Olivier Kerr-Ouriou, Didier Itursari, qui de son côté fut lui aussi membre de l'ONG, mais entre 2002 et 2005 sous la direction de Claude Barthélémy, Olivier Kerr-Ouriou peut revendiquer un nombre incroyable d'expériences en tant que leader ou sideman. C'est très impressionnant et s'il est un peu moins connu du public que son homologue Vincent Perani, le natif de Bayonne n'en est pas moins une personnalité incontournable de la scène jazz et même au-delà, puisqu'il a eu déjà l'occasion de travailler par exemple avec des chanteurs comme François Béranger, Bernard Lavillier, Julien Clerc ou Sam Severino. Bon, je ne vais pas me lancer dans la liste de toutes ces collaborations, l'important pour ce qui nous concerne étant le présent. Et le présent, c'est Atea. Et une invitation faite par Didier Itursari que je vais vous lire. Je cite « Atea, la porte en langue basque, celle qui rassure, qui claque, qui invite ou intrigue. Témoin, gardienne d'histoire de vie, d'humeur et de sueur. Entrer ou sortir, s'arrêter, traverser, passer d'un monde à l'autre, de l'ici vers l'ailleurs, du souvenir à la destination rêvée, du réel à l'imaginaire, jusqu'à l'inconscient. » Il faut ajouter que sur cet album, on trouve une longue suite de 16 minutes, Foro Suite, qui bénéficie du concours d'un quatuor à cordes, le Quarem Quartet, et des arrangements de son complice trompettiste Geoffroy Tamizier, que Didier Itursari a côtoyé du temps de l'ONG, mais aussi du côté de l'Orficube d'Alban Darche ou du quartet BDO. Et pour ce qui est de l'heure du jazz, eh bien, je vous propose une incursion vers l'Afrique avec une composition intitulée Mali, Didier Itursari et son trio. Thank you. bien voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'heure du jazz. Déjà, j'espère que vous êtes régalés avec nous de toutes ces belles musiques. Eh bien tiens, j'y pense, nous sommes en janvier, je crois qu'il est encore temps de vous souhaiter une bonne année 2020. Travail, santé, amour, amitié et musique au pluriel, et pas seulement le jazz. Merci à Quentin qui était à mes côtés pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Déclic. Nous nous retrouverons le mois prochain avec d'autres disques, d'autres nouveautés, d'autres histoires à raconter. Bref, plein de choses à partager avec vous. À très bientôt, au revoir. Thank you.